vole alors au gré du vent. Dis-moi, petit frère, ce qu'il faudrait faire pour que ça change. Dis-moi, petit frère, si vu du ciel, tout se mélange. regarde le ciel immense. On ne peut que penser à sauver l'essentiel. Cette chance qu'on nous a donnée, il faut juste s'aimer avec l'eau différente. J'entends encore ton nom.

年轻的心演绎古典，古典中的流行 Pops 音乐。 Alas, my love, you do. 北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点播出。 And I have loved you so long. 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。接下来请欣赏一组跨界音乐，曲目有马克西姆演奏的《野蜂飞舞》，陈美演奏的《赋格》，理查德·克莱德曼演奏的《给艾德琳的诗》，肯尼迪演奏的《左岸咖啡广告曲》，柏林爱乐12把大提琴演奏的《猫王》的歌曲《温柔的爱我》，欧文与史考特双小提琴演奏的《帕赫贝尔》《卡农》，杨·提尔森的《天使艾美丽》电影主题曲等作品。 Thank you. romantic.